oiseaux courtisans qui baisent les pieds des hommes, les mieux chaussés. Je me ris de leur vie de punaise écrasée. Que se taisent les futiles fardaises qui brillent en belle société. Je suis fort à mon aise dans les crimes de lèse majesté. N'est ici bas, maître des hommes, prince des lois. Place, je passe, je suis roi de mes rêves, souverain des libertés. Osez, rendez grâce à ce fou qui se lève. Place, je passe, je suis roi de mes rêves, qui biaise la moindre de nos volontés. Sur leur trône de glaise, en guise de chaise, je m'assieds. Nul n'est ici bas.